On va parler des castors de Dolbeau avec notre ami Robin Bouliane. Écoute, les castors, il y a beaucoup, beaucoup de fierté chez les castors de Dolbeau parce qu'ils ont remporté un tournoi la semaine dernière, un tournoi d'Alma, le tournoi Midget. On en parle avec Robin Bouliane. Salut, Robin. Salut, Danny. Robin, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de fierté. Moi, j'étais dans les Laurentides, j'étais en pause. J'avais pris congé en fin de semaine, puis on me disait, il y a une grosse surprise, les castors sont en train de gagner. Qu'est-ce qui a provoqué cette victoire-là? Écoute, je pense qu'à partir du moment que tout le monde croit en nos chances, c'est sûr que ça part toujours mieux. On a eu un parcours dans les préliminaires qui a été un peu en dents de scie, qui nous a fait, faut se le dire, que c'est nos premiers matchs après les fêtes. On a joué seulement qu'un match au retour de la pause des fêtes. Fait que c'était un peu rouillé au départ. Donc, dans les préliminaires, on a eu une victoire, une défaite, une nulle, qui nous a permis de nous classer. Après ça, on avait quand même un parcours là, très, pas évident, très difficile. Les ambassadeurs de Chibougamau, qu'on a rencontré en quart de finale, qu'on a gagné 4-0. On a joué vraiment un match parfait, là, autant au niveau de l'offensive, de la défensive et de la discipline aussi. Suite à cette victoire-là, le gros défi était là, c'était d'affronter les Marquis de Jonquière. Il avait perdu une seule fois là dans toute la saison puis le tournoi là. Donc puis on a causé une surprise en l'emportant 3-2 là, en temps régulier. Là. OK. Puis ça a été le match c'était la grosse surprise du tournoi là. Ça a été la grosse surprise vraiment. J'ai rentré dans la tête des gars qu'on était capable de débattre. Si on marquait tôt en début de partie, on allait jouer dans deux têtes. Les Marquis, c'est une équipe qui n'ont pas été habitués beaucoup à l'adversité. Okay. Puis ils l'ont tout le temps eu facile, donc on a joué dans deux têtes dès le départ. Puis après ça, à partir de là, ça a bien été. OK. Puis si tu me disais avant de rentrer en onde, c'est vraiment une grosse, à quelque part, c'est une grosse fierté. Puis c'est parce que c'est un des plus gros tournois du Midget, Midget 2B en province, même de ça, hein? J'ai fait d'autres tournois Midget comme joueur puis entraîneur aussi, mais le tournoi Midget est vraiment réputé pour être un gros tournoi bien organisé. C'est pas évident là, atteindre la finale puis encore plus la gagner. C'est en plein ça, puis on est bien fiers de ça. OK. Évidemment, c'est là qu'on voit qu'un tournoi puis une saison, c'est pas pareil, hein? Un entraîneur pense pas pareil. L'entraîneur pense pas pareil non plus, hein? C'est sûr que moi, comme j'ai toujours dit, en saison régulière, je coach pas en fonction de la victoire, parce que on sait que toutes les équipes font des séries. On coach en fonction de développer nos jeunes. Ouais. Pour que justement, en tournoi, on sait que si on les utilise, ils vont être prêts à jouer dans toutes les situations. Okay. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que ça a porté fruit. Qu'est-ce que les joueurs aiment mieux? Qu'est-ce qu'un entraîneur aime mieux? Est-ce que c'est un tournoi ou une saison régulière ou les séries? Ah ben, ça fait pas de doute que les tournois, c'est sûr que c'est pas mal plus. Tu sais, c'est pas la même chose. L'engouement, c'est pas la même chose. L'intérêt pour les joueurs et les parents, c'est pas la même affaire. C'est officiel. Le niveau de compétition augmente, le niveau, tu sais, les joueurs sont plus nerveux aussi, fait qu'il faut apprendre à gérer ça. Ça, ils l'ont fait de façon formidable. C'est sûr qu'il y a eu des matchs préliminaires qu'on a appris, on a mal géré nos émotions, on a mal géré notre discipline aussi, mais c'était dans un match préliminaire, donc ça nous a permis quand même de se rectifier et de se corriger pour les matchs quart de finale et demi-finale et finale. OK. Donc, puis ça, c'est la première fois que vous gagnez ce tournoi-là, hein? C'est ça, j'ai posé la question là aux organisateurs, c'est quand la dernière fois que les castors ont gagné? Il n'a pas été capable de me répondre. Ça serait une bonne recherche que tu pourrais faire à Danny. OK. Mais c'est quand même assez... C'est quand même assez spécial, pareil, parce que l'organisation a pas ses... Ben, c'est sûr que probablement qu'ils ont ça dans le livre, mais vite de même, là, c'est sûr que c'est pas facile. Ah, ben c'est ça, c'est une question à brûle pour point, je le pose. Ouais. C'est sûr que s'ils fouillent un peu plus dans les archives, ils vont trouver des réponses. OK. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur l'équipe? Est-ce que ça va emmener une confiance supplémentaire? C'est sûr que ça a prouvé aux jeunes qu'on est capable de battre toutes les équipes, même les meilleures. Maintenant, il faut s'attendre à ce que l'adversaire, quand ils vont nous affronter, par contre, ils vont savoir qu'ils l'auront pas facile. Donc, ils vont arriver contre les Castors et ils vont se présenter. Et c'est correct de même. Les jeunes, il faut qu'ils se préparent à ça. Mais au moins, comme tu l'as dit, ça a été bon pour la confiance. Ça a prouvé aux jeunes qu'ils sont capables de battre les équipes, même les meilleures. Ouais. Donc, c'est de bon augure pour... il nous reste le tournoi à Dolbeau qui s'en vient bientôt. Et les séries plus tard. OK. En fin de semaine, il se passe quoi avec les Castors? On joue un match demain soir contre les Marquis, justement, qu'on a éliminé au tournoi. Ils vont vouloir prendre le revanche. Après ça, samedi, deux matchs ici à Dolbeau, encore une fois, contre Chibougamau. OK. Donc, trois matchs ici même au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Robin, on s'en reparle prochainement? Oui, absolument. L'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Boulier.